Chapitre 5. Arc-bouté des pieds et des mains dans une fissure de rocher, à l'extrême bord de la pointe de Penhir, sa longue vue encore à la main, Yves Dagorn tendait le cou, ses oreilles cherchant à ramasser les quelques sons humains qu'il aurait pu recueillir au milieu de ce bouleversement de la nature, ses yeux fouillant inutilement la poix opaque des ténèbres de plus en plus épaisses. Il murmurait par moments tout haut, et des morceaux de phrases volaient emportés de ses lèvres dans la tourmente. « J'ai vu quelque chose, cependant. Oui, mais maintenant, plus rien. Et puis, ces cris, était-ce des cris d'homme ou bien le ramage de ces damnés oiseaux de tempête? Si encore j'avais pu me risquer sur le Grand Dahoué, ça glisse trop à moyen. » Du sémaphore, il avait été un des premiers à deviner le changement de temps. Tout à coup, après-midi, le baromètre s'était mis à descendre, et il avait eu un juron d'angoisse en apercevant toute cette mer couverte de barques jusqu'à l'horizon. Plus d'un, peut-être, qui aura du désagrément. Peu à peu, au premier frisolis de la surface calme de l'Atlantique, les voyant rentrer, il se rassurait, commençait à croire qu'il n'arriverait pas de malheur ce jour-là. Au soleil couché, la dernière venait de disparaître derrière les écueils du Toulinguet. Il respira plus à l'aise. Comme il se retournait pour jeter un coup d'œil sur la mer, à présent soulevée aussi loin qu'on pouvait voir, et toute mugissante d'une plainte rauque et continue, il aperçut une barque dans les parages du Chevreau. Il avait eu un sursaut terrible et, à l'aide de sa longue vue, avait cherché à reconnaître le téméraire qui se risquait ainsi au moment même où la nuit, tout à fait tombante, permettait à peine de distinguer les objets et où les vagues creusaient d'une manière formidable. Sa lunette braquée par le trou spécial ouvert à hauteur d'appui dans l'une des portes du sémaphore, bien à l'abri et pouvant manœuvrer à l'aise sans craindre les rafales, il pointa son verre dans la direction. Mais à chaque instant, le fragile bateau plongeait, trois ris pris dans l'unique voile qu'il avait osé conserver, et des tourbillons d'écume l'enveloppaient. Est-ce de Camaret, de Douarnenez ? Il attendait une éclaircie qui lui permit de s'assurer, de reconnaître la forme de la coque, la disposition des mâts, ou peut-être même le numéro. Le ciel s'assombrissait encore plus. « Peut-être de Morgat ? » fit-il, tout à coup comme une divination. « C'est l'Arvor, j'en jurerais !» Presque aussitôt, une réflexion lui venait, nette, implacable, tranchante comme une lame acérée plongée en plein cœur. « Alors il est perdu, à moins qu'il ne s'échoue au Vérillac s'il est encore temps. » L'œil au vert grossissant, la prunelle piquée de larmes, tellement il s'appliquait à voir, il suivit comme il put la marche de la malheureuse barque. Par moments, on ne l'apercevait plus, et l'on aurait pu la croire disparue, engloutie brusquement. Puis l'aile brune pointait au-dessus d'une vague, semblait se débattre une minute pour disparaître de nouveau, comme un oiseau jouant dans la tempête. « On dirait qu'il y a une femme à bord ?» songea Dagorn, qui avait cru distinguer la blancheur d'une coiffe. Plus rien. La nuit envahissait tout, dévorait progressivement le ciel, la mer, les terres. Il leva les épaules, découragé, tenta encore de regarder, jeta un cri. « Cette fois, ça y est, il court droit au tas de poids !» Ce fut l'affaire de quelques minutes à peine. La barque parut bondir, soulevée par une force irrésistible. Une montagne d'eau prodigieuse l'enleva, la balança, bien visible, à une hauteur énorme, puis l'emporta avec un rugissement terrible, et Dagorn, qui s'était précipité dehors, comme s'il eût pu lui porter secours, la vit s'ouvrir en deux sur le tas de poids le plus éloigné et sombrer immédiatement. Il lui sembla avoir perçu comme un hurlement d'épouvante et d'agonie, mais tout s'effaçait sous le grondement redoublé des flots, les coups de canon de la lame s'engouffrant dans les cavernes sous-marines et les longues plaintes aiguës du vent. Nuit noire. Tout disparaissait, comme si la nature eût longuement étendu un épais drap mortuaire sur ce drame. À peine, de temps en temps, une neigeuse envolée d'écume éclairait le noir luisant des écueils. Dagorn s'avança jusqu'à la béante coupure séparant le continent du premier Dahoué, dans l'intention de s'aventurer sur le monstrueux bloc, pour se rapprocher le plus possible de l'endroit du sinistre. La furie des vagues en rendait l'abord impraticable. Ses yeux ne pouvaient se détacher du rocher pointu contre lequel s'était perdue l'embarcation, et il cherchait à découvrir si quelque malheureux n'y aurait pas trouvé un refuge, chose bien improbable, tant la fureur de la mer était formidable. Une seconde, il eut comme un mirage. Sa lunette lui montra une sorte de voile blanc, de linge flottant. Ensuite, il essaya vainement de le retrouver. Peut-être n'était-ce qu'un flocon d'écume détaché par la rafale et volant vers le haut de l'écueil. Cependant, il braqua patiemment la longue vue, essayant de percer la nuit, écoutant si, à travers cette colère de l'océan, il n'arriverait pas à surprendre une plainte humaine. Le vent soufflant de ce point, il n'y avait rien d'impossible à cela. Soudain, se redressant à demi, il affirma : « J'ai entendu. Oh, cette fois, hein ? Pour sûr, je ne me trompe pas. Un cri, quelque chose. » Était-ce un nouveau flocon, cette autre tache blanche si vite disparue ? Il songeait à cette coiffe de femme aperçue sur la barque. Est-ce que ce ne serait pas cela ? Il courut à sa maisonnette, où se trouvait Lagadec, venu pour une commission, et lui dit « Vite, à Camaret, je crois qu'il y a des naufragés sur l'état de poids. Du secours, rapidement » S'était-il trompé ? Il revint prendre son poste au plus avant de la pointe. Maintenant, impossible de voir, d'entendre. C'était un tel chaos, un vacarme si épouvantable que le gardien ne se souvenait pas d'avoir vu une mer aussi démontée, même par les gros temps d'hiver. Tout tremblait sous lui, autour de lui, les paquets de mer battant sans arrêter la base des falaises, sapant furieusement les rochers et envoyant leur embrun jusqu'au plus haut sommet, si bien que c'était comme une pluie salée ne cessant de tomber sur toute la pointe de Penthyr et inondant le guetteur. Un tourbillon sans fin enveloppait tout de ses spires ainsi qu'un vorace maelstrom, se préparant à engloutir la pointe bretonne avec tout ce qu'elle supportait. De si opaques épaisseurs de nuées brumeuses cachaient les objets que l'on aurait pu savoir si c'était du ciel ou de l'océan que venaient ces fantastiques ténèbres, dont la muraille enveloppait peut-être l'agonie des naufragés. Dagorn ne pouvait plus espérer voir quelque chose. S'assurer qu'il n'avait pas été trompé par le mystère des formes fallacieuses de la nuit. Cependant, il restait, attendant toujours, trempé d'eau de mer, glacé par le souffle brutal qui venait du large, toujours avec la même foudroyante vitesse. Pendant ce temps, à Camaret, malgré la nuit, malgré l'accroissement de la tempête, Tonton Corentin dirigeait la manœuvre pour la mise à l'eau du canot de sauvetage. C'était au hasard qu'on allait partir, sans doute à la mort, à une mort presque certaine, et sans savoir au juste s'il y avait espoir de sauver quelqu'un. Mais une barque avait coulé, il y avait des victimes, rien ne prouvait qu'elles fussent englouties, il fallait s'en assurer. Pas un homme ne recula. Quand ils passèrent devant le phare, le curé de Camaret, revêtu de ses ornements sacerdotaux, attendait sur la jetée. Les larmes aux yeux, prononçant les paroles latines des derniers moments, il fit sur eux le signe de la croix, les bénissant et leur envoyant l'absolution, le pardon de leurs péchés in articulo mortis, comme à ceux qui vont mourir. Trois fois le canot tenta inutilement de doubler la pointe du Grand Gouin. Trois fois il fut repoussé par le courant, drossé jusqu'au milieu de la rade. Une fois même on le crut emporté dans le goulet, tellement il se rapprocha de la pointe des Capucins. Les bras brisés, ployés en deux sur leurs avirons, ne sachant comment se diriger dans cette nuit profonde où l'on distinguait mal les phares voilés par les embruns, par un brouillard humide, ils durent venir se remettre à l'abri dans le port, et toute la nuit se passa à attendre une accalmie pour se lancer de nouveau au-devant du danger. Au matin, la tempête continuait avec la même violence. Un nouvel avis, envoyé du sémaphore des poids, prévint qu'on apercevait une forme humaine sur le dernier tas de poids. En même temps, de Morgat, on avait reçu communication que c'était bien la barque de l'Arvor qui avait dû périr et que Yvonne Guivarc était à bord. Ce fut un coup terrible pour Marianic et pour son père. Quant à Hervé, il dormait de son sommeil de brute, ignorant encore la catastrophe et incapable de la comprendre. Avec le petit jour, une lueur pâle, blafarde, permettant de distinguer les objets, mais faisant plus terrible encore l'horreur de l'océan en folie, Tonton Corentin déclara que, cette fois, on doublerait le Grand Gouin, coûte que coûte. Les pêcheurs remontés par lui reprirent courage. Du reste, Yvonne était adorée dans le pays, et tous souhaitaient sincèrement qu'elle se trouvât parmi ceux qui avaient pu se réfugier sur l'écueil. Dagorn, de son observatoire, l'œil au télescope, apercevait assez distinctement, quand l'épaisse fumée des coups de mer le permettait, un individu accroché dans les anfractuosités supérieures du rocher. Mais il lui était impossible de savoir si plusieurs naufragés s'y trouvaient. À tout moment, quelque monstrueuse lame, vomie du large par l'Atlantique, venait se jeter toute mugissante sur le tas de poids, qui disparaissait presque sous l'assaut, et se couvrait jusqu'à la cime d'une ruisselante neige, pleuvant ensuite en cascade de tous côtés. Pierre Guivarc, Marianic, Balanec, Maradour, d'autres encore, une partie de la population de Camaret, disséminée le long des côtes jusqu'au sémaphore de Penhir, suivait les péripéties de ce drame. Balanec tendit le bras vers le Toulinguet. « Voilà tonton Corentin !» Toutes les respirations furent suspendues. Le canot de sauvetage avait heureusement franchi les obstacles de la nuit et arrivait à la passe la plus dangereuse, ayant à lutter contre le courant et à refouler cette mer démontée. Ce fut pendant un espace de temps qui sembla considérable une angoisse affreuse. Heureusement, la marée descendante commençait à favoriser un peu la suprême tentative des héroïques sauveteurs. La redoutable barrière fut enfin surmontée. Cette fois, aidé des voiles, il marchait droit au tas de poids. Ce n'était encore que la partie la moins difficile du sauvetage. Il fallait en effet trouver un moyen de se mettre en communication avec l'écueil, sans se briser sur lui, sans se laisser écraser contre les murailles de granit que les flots balayaient sans un instant de répit. Après s'être approché d'abord autant qu'il l'avait pu, le canot avait dû céder à la violence de la tempête, s'éloigner, courir quelques bordées, puis les voiles carguées essayaient de revenir. On voyait les hommes exténués s'abattre sur leurs bancs, paraissant ne pouvoir plus diriger l'embarcation, et par instant Corentin, debout à l'arrière, leur parlait pour les encourager, les excitait à une nouvelle tentative. Enfin, ils arrivèrent à se maintenir à la hauteur de la roche, derrière laquelle ils disparaissaient pour reparaître de temps à autre sans qu'il fût possible de savoir s'ils n'allaient pas disparaître pour toujours. On vit un homme, attaché à un câble, se jeter à la mer, nager longtemps, puis s'engloutir au milieu d'une lame qui vint s'écrouler le long des flancs polis du tas de poids. Était-il mort? Disparu? Qui était-ce? Une anxiété épouvantable serra les gorges. Marianic devina dans une plainte désespérée. « C'est Corentin !» D'autres vagues suivirent. Une pluie d'écume vola, enveloppant le rocher, la barque. Une sorte de trombe vint râler en tourbillon sous les pieds des spectateurs entassés devant le sémaphore, échelonnés sur la falaise. Dagorn fit « Le voilà qui regagne le canot. Il n'est pas seul. » On distingua deux formes que l'équipage aidait à remonter. Puis Corentin devint visible et l'autre se détacha nettement, très petite. Le guetteur expliqua « Un mousse ». Déjà, le sauveteur plongeait une seconde fois, nageant vers le rocher. Quand il fut de retour, on put reconnaître les longs cheveux ruisselants sur le dos, la coiffe blanche d'une femme dont la nouvelle victime sauvée. Guivarc cria, tremblant d'émotion « Yvonne !» Une exclamation lui répondit. Hervé était derrière lui, pâle, honteux, à moitié fou de douleur, bégayant. « C'est encore lui qui l'a sauvé !» Quelques instants après, un homme était également arraché à l'écueil et réuni sur le canot de sauvetage aux autres naufragés. « Il en a une chance, ce diable de l'Arvor !» s'écria Dagorn. S'élevant au vent des récifs, puis laissant porter, l'embarcation disparut derrière le banc des roches pour reparaître bientôt faisant force de rames afin de sortir de ces passes dangereuses. Puis elle mit à la voile et, poussée par la tempête, ne tarda pas à atteindre Camaret, où elle ramenait les trois naufragés absolument épuisés de fatigue, de faim et de froid.